Ok, j'ai essayé un truc. C'est assez pop, hein. Attends. Je calais sur le son. cordeur, t'appuies sur les boutons, tu t'accordes en mi comme tout le monde. Et après tu pourras partager la nuit.